au fond de l'immanent et de l'illimité, parfois, dans les lointains sans nom de l'invisible, quelque chose tremblait de vaguement terrible, et brillait, et passait, inexprimable et clair. Toutes les profondeurs du monde avaient l'air de méditer, dans l'ombre où l'ombre se répète, l'heure où l'on entendrait, de cette âpre trompette, un appel aussi lent que l'infini, jaillir. L'immuable semblait d'avance en tressaillir. Des porches de l'abîme, antres hideux, cavernes que nous nommons enfer, puits, géhennames, avernes, bouches d'obscurité qui ne prononcent rien, du vide, où flottait nul ne souffle aérien, du silence où la laine osait à peine éclore, ceci se dégageait pour l'âme. Pas encore.